en rond. Christophe Willem à l'instant sur France Bleu Armorique. Il est 17h44, voici Alain avec nous dans quelques instants, juste après la pub ou avant la pub justement. Allez, Alain, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va? Ouais, alors bien. Alain, il y avait la pub, mais je me suis dit tiens, si on parlait maintenant franchement, hein? Pas de problème. Bah oui, c'est quand même mieux de se parler tous les deux. Alors si vous êtes avec nous en direct et par téléphone, c'est parce que vous êtes le grand gagnant du jour. Tout à l'heure, on était avec Nicolas qui est le fondateur de Virtual Game à Rennes. Et j'ai bien précisé, le ou la première qui vous appelle au téléphone repartira avec ces deux entrées. Et c'est vous Alain, bravo. Bah super. Bah ouais, qu'est-ce que vous faites de beau là maintenant tout de suite? Là, je suis en train d'endainer mon foin. Ah bah d'accord. C'est-à-dire. Et donc je prépare pour récolter mon foin, quoi, voilà. Ah, on s'en rend pas compte, mais il y a du boulot quand même. Hein. Ah oui, puis que la météo est capricieuse en ce moment, donc on profite des petites fenêtres. Ah bah, c'est un peu comme ma chérie, elle est un peu pareille des fois. Ah, vous savez, c'est ça aussi l'amour. Et la météo, on peut rien faire. Ah bah ouais, c'est vrai. On a le même problème hein, finalement. Alors Alain, vous êtes dans quel coin, dans quel côté de la Bretagne? Je suis au Nord-Ille-et-Vilaine, à Saint-Georges-de-Rincambeau. Ah. Super. Je garde la frontière de la Bretagne. Oh, super. Bravo. En tout cas, Alain, moi, je vous remercie pour ce que vous faites. Merci infiniment. Et bravo à vous, en tout cas. À bientôt. À bientôt. Curieux de nature, collection été. Sur les bords de Rance, je vous invite à visiter le domaine de Montmarin à Pleurtuy. Et alors, vu qu'on est dans un jardin à l'anglaise, bien qu'on soit en France, on marche sur les pelouses. On marche sur les pelouses, c'est génial. Il y a le droit, il faut le dire. À travers plusieurs jardins, Thibaut de Ferrand nous propose un voyage au long cours. On a des plantes d'Amérique du Sud, on a des plantes d'Europe, on a des plantes qui viennent d'Asie. Et c'est ça aussi qui est chouette dans le jardin. Il n'y a plus besoin de voyager. Curieux de nature, c'est jusqu'à vendredi à 6h42, le week-end à 7h42 et en réécoute sur francebleu.fr. France Bleu. Du 1er juillet au 24 septembre, plongez au cœur des aventures industrielles innovantes du territoire nazérien à travers l'exposition Saint-Nazaire Transition XXL. Un parcours sensoriel et immersif qui vous transportera aux premières heures de l'aventure humaine et industrielle de la cité portuaire. Du mardi au dimanche, au live, entrée gratuite, avec le soutien de la région des Pays de la Loire. Le 16-19 France Bleu Armorique, pour passer un bel été en Bretagne. Et pour passer un bel été en Bretagne, dans quelques instants, on vous propose une série présentée par Laurent Petit-Guillaume qui nous présente justement une chanson de Francis Cabrel. Elle s'appelle Hors Saison et c'est juste après Michel Jonas. Les vacances au bord de mer sur France Bleu Armorique. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. On regardait les autres gens comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention quand on avait payé le prix d'une location. Il ne nous restait pas grand-chose. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant. Et on regardait les bateaux, le matin on se réveillait tôt, sur la plage pendant des heures, on prenait de belles couleurs. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. Et quand les vagues étaient tranquilles, on passait la journée aux îles. Sauf quand on pouvait déjà plus, alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, on avait le cœur un peu gros, mais c'était quand même beau.

les gens reviendront. On doit être hors saison. La mer, quand même, dans ses rouleaux, continue son même thème, sa chanson vive. Oh, où es-tu? Tout mon courrier déborde au seuil de ton pavillon. On doit être hors saison. Une ville se fane dans les brouillards salés. Est trop près. Les tourments la condamnent aux écrans de fumée et personne ne s'éloigne du quai. Hors saison. Francis Cabrel, sa vie en chanson présentée par Laurent Petit-Guillaume, à retrouver sur francebleu.fr. La suite avec Paola, c'est une Mexicaine qui a vécu une enfance sur la côte pacifique avec l'art. L'art, c'était sa passion, mais à un moment donné, il faut bien travailler. Alors, elle nous raconte ses années d'études au micro de Glenn sur France Bleu. Oui, en fait, une fois que j'ai grandi, toujours passionnée par l'art, comme mes parents, ils voulaient pas que c'était la seule chose que je fasse dans la vie, parce que finalement, l'art, malheureusement, pas pour tout le monde, ça donne pas assez les moyens pour survivre, et surtout au Mexique. Ils m'ont dit que devrait que je fasse des études. Donc, une fois que je finisse le lycée, dans une ville qui s'appelle Morelia, à Michoacán également. C'est la capitale de Michoacán, une très belle ville aussi, et avec plein de culture là. Et après, une fois que j'ai fini le lycée, j'ai fait les études d'ingénierie. Et j'ai devenu ingénieur chimiste après 5 ans. Voilà, votre passion restait néanmoins la peinture et les arts. Votre rencontre avec la Bretagne, Paola, comment elle se fait? Une fois que j'ai fini mes études comme ingénieur, bon, j'ai commencé à chercher du travail. Je suis arrivée à la ville de Querétaro. C'est une ville qui est au centre de pays. C'est là où j'ai rencontré Erwan. C'est là la Bretagne, Erwan, oui, déjà. C'est là Erwan. Erwan a un nom très breton. C'est là où j'ai connu mon mari, dans la même entreprise. Parlez-nous de lui, quel coin en Bretagne? Mon mari, je me suis mariée avec un breton du Finistère Nord, côté Brest. Bien breton. Il vous amène ici? Ah, bah oui. Depuis qu'on se connaît, il y a 20 ans déjà. Donc avec lui, je connais évidemment la Bretagne. Toute la Bretagne, c'est les premières choses que j'ai connues quand je suis arrivée en France. Mmh. Votre impression, justement, premières impressions, il y a 20 ans, la première fois que vous êtes venue. Il y a 20 ans, il n'était pas assez développé comme maintenant. Les plages, je me rappelle, c'était très vierge, même côté de Saint-Malo, il n'y avait pas beaucoup de construction au niveau de Roteneuf, la plage du Lavard, tout ça, il était tout vierge. Mais sinon, aussi au Finistère, que j'adore, toute la mer d'Iroise, assez bleue, avec des paysages superbes, que moi, quand la première fois que je suis venue, j'aimais trouver comme si c'était un film. C'était hyper sympa à regarder avec mes propres yeux ce paysage assez différent que ce que j'étais habituée au Mexique. Alors les Bretons, vous les avez trouvés comment? par rapport aux Mexicains. Non, les Bretons, toujours, j'ai bien aimé. Et c'était assez charmant et accueillant. C'est des personnes assez sympas, ouvert d'esprit. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de Bretons dans le monde entier qui sont plus ouverts, qui sont des voyageurs. Je me suis trouvée ici avec des personnes très sympas, très ouvertes d'esprit. C'était facile à les aimer, à m'adapter aussi à votre culture en Bretagne. Très bien. Bah, nous continuerons demain à parler justement de cette arrivée officielle en Bretagne. C'était il y a combien de temps l'arrivée officielle? Il y a 8 ans. Nous en parlons demain. Kenavo, à demain. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego. Les Bretons d'ici et d'ailleurs à retrouver sur francebleu.fr. L'actualité de ce 9 août, c'est à retrouver dans quelques minutes sur France Bleu. Ne bougez pas, on se retrouve dans un instant. À tout à l'heure. France Bleu. Dans le monde, des enfants meurent de faim. Hélène a été sauvée grâce aux équipes d'Action contre la faim dans une région où sa maman n'a pas accès à l'eau potable et où il n'y a rien à manger. Pour les aider, mon papy a décidé de leur donner une partie de son héritage. Je suis fière de mon papy. Est-ce que vous le saviez? Action contre la faim peut devenir votre héritier. Pour un monde sans faim, pensez à la transmission en faveur de notre association. Vos volontés seront respectées. Demandez la brochure sur les legs et assurances vie sur actioncontrelafaim.org. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Armorique. Et toute l'équipe de France Bleu Armorique vous souhaite une bonne soirée. Il est 18h. L'heure de retrouver toute l'actu sur France Bleu Armorique. À tout à l'heure. Un vrai temps d'été aujourd'hui en Bretagne, du soleil, de la chaleur comme on n'en avait pas vu depuis plusieurs semaines, jusqu'à 26 degrés cet après-midi dans le Finistère, 27 dans le Morbihan, 28 en Ille-et-Vilaine. L'occasion d'aller piquer une tête, seulement voilà, de nombreuses plages sont toujours interdites à la baignade dans la région depuis plusieurs jours. La plage de Carlévine dans le Finistère Sud, celle des Glénans, d'autres ont rouvert après plusieurs jours d'interdiction, à Pleumeur et Saint-Philibert dans le Morbihan par exemple. Tout ça à cause d'une pollution aux bactéries contenues dans les matières fécales. Et c'est en général à cause de la pluie, explique Laurent Lebert, administrateur délégué départemental d'Eau et Rivières de Bretagne, une association de défense de l'environnement. Il a plu pas mal ces derniers jours. Ça fait du ruissellement sur les bassins versants qui entraîne des pollutions. Quand on est sur des plages urbaines, on ira chercher sur le bassin versant quelles sont les causes possibles. Ça va être des ruissellements urbains, ça peut être des débordements d'assainissement collectif. Quand on est sur des bassins versants très agricoles comme en Iroise ou dans la baie de Saint-Brieuc ou encore du côté de Quisigny au nord, on peut, si on est un petit peu honnête, regarder sur les bassins versants et trouver qu'il y a effectivement des concentrations d'animaux d'élevage très importantes. Si on est sur des secteurs, sur des villes ou ailleurs, on peut regarder quelles sont les petites incivilités qui peuvent être cause de ces pollutions. Je suis allé une ou deux fois au Glénan et c'est vrai que quand on arrive là-bas, il y a une quantité folle de bateaux de croisière là qui sont au mouillage et il est possible aussi que des toilettes des bateaux soient rejetées à la mer au moment où quelqu'un vient faire un prélèvement. Ça suffit à polluer l'eau de baignade, quoi. Heureusement, la plupart des plages de Bretagne sont autorisées avec une excellente qualité de l'eau. Pour savoir si votre plage préférée est concernée, rendez-vous sur baignade.santé.gouv.fr. 11 morts, le bilan est très lourd en Alsace après l'incendie qui a ravagé un gîte ce matin à Winsenheim dans le Haut-Rhin. Il hébergeait 28 personnes, des adultes en situation de handicap mental et leurs accompagnateurs. 17 ont réussi à sortir à temps. Les secours ont retrouvé les corps dans les décombres en début d'après-midi. Selon les premiers éléments de l'enquête, le feu aurait couvé pendant plusieurs heures avant de prendre pour de bon. Une enquête est ouverte pour connaître la cause de cet incendie. La première ministre s'est rendue sur place. Vous avez tous les détails sur francebleu.fr. Un homme d'une cinquantaine d'années s'est noyé aujourd'hui à Landéda, dans le Nord Finistère, sur la plage de Sainte-Marguerite. Des témoins ont alerté les sauveteurs du poste de secours qui sont allés le chercher, mais il n'a pas pu être réanimé. À Meillac, en Ille-et-Vilaine, un homme d'une soixantaine d'années est mort ce matin dans un accident du travail. L'artisan était en train d'enlever de la mousse sur une toiture. Il a fait une chute de 8 mètres. Un nouvel épisode dans l'affaire Kevin Escoffier. La Fédération française de voile lance une nouvelle procédure disciplinaire contre le skipper malouin pour comportement inapproprié envers des femmes. Il est déjà visé par une enquête judiciaire pour des faits similaires après un signalement de la Fédération. C'était au mois de juin. Et Valentin Belleville, elle a reçu de nouveaux témoignages. C'est ce qui a enclenché cette nouvelle procédure. La Fédération française de voile parle de signalements qui concernent d'autres comportements inappropriés de Kevin Escoffier envers des femmes. Différents de ceux pour lesquels il était jusque-là mis en cause. Des signalements qu'a reçu la cellule de la Fédération en charge de la lutte contre les violences sexuelles. La FFV ne souhaite pas en dévoiler davantage à ce stade, mais selon nos informations, des choses plus concrètes pourraient être dévoilées d'ici deux semaines. Le dossier Escoffier s'épaissit car cette procédure vient donc s'ajouter à celle ouverte en juin. Elle concerne des faits survenus un mois plus tôt en mai. Des faits apparentés à une agression sexuelle envers une jeune femme, c'était aux États-Unis lors de l'escale de la course au large The Ocean Race. Le skipper de 43 ans avait été immédiatement débarqué par le sponsor de son IMOCA, Holcim PRB. L'enquête judiciaire, elle, se poursuit et pourrait donc compter ces nouveaux témoignages recueillis par la Fédération française de voile. Les explications de Valentin Belleville. L'association rennaise La Nature en Ville saisit la justice contre les travaux d'agrandissement du centre d'entraînement du Stade Rennais. Ça se passe sur le lieu de la Piverdière à la Prévalet. L'association écologiste demande la suspension des travaux qui ont débuté cet été jusqu'à la décision de justice finale. Elle dénonce la destruction de terres utilisées autrefois pour le maraîchage et l'imperméabilisation des sols. Car à terme, le Stade Rennais doit étendre sa surface d'entraînement de 11 hectares aujourd'hui à 15 hectares. Laurent Pichon raccroche le maillot rouge et noir. Le coureur cycliste breton d'Arkéa-Samsic prendra sa retraite à la fin de la saison après 14 ans chez les pros. Au championnat du monde de cyclisme à Glasgow, le jeune Breton est dit le 8 août avec la France sur le contre-la-montre mixte espoir cet après-midi. L'équipe française s'était lancée sur le parcours vers 17h10. Le festival interceltique 2023 n'est pas encore terminé à Lorient, mais déjà on connaît les dates et le thème de l'édition 2024. Ce sera du 12 au 18 août de l'année prochaine, un peu plus tard que d'habitude à cause des JO. Pas de pays à l'honneur, mais un focus sur la jeunesse celte. Il est 18h05 sur vos France Bleu de Bretagne. Tout de suite, la météo. Retour de la chaleur en Bretagne. Après les nuages, le soleil prend les commandes encore cet après-midi. Ça fait du bien, l'après-midi devient donc estival sur tous nos départements, avec de moins en moins de nuages au fil des heures. Sauf peut-être encore un petit peu en Ille-et-Vilaine, où ce soir est attendu un temps un peu orageux, je dis bien un petit peu, avec quelques nuages donc sur le nord-est de l'Ille-et-Vilaine. Mis à part ça, c'est encore du soleil largement pour demain également. Les températures pour cet après-midi, elles sont entre 20 et 22 sur les plages du nord, de 22 à 24 sur celles du sud, et dans l'intérieur des terres, 27 à Vannes, 28 à Rennes et Redon. Ça change, hein. Et pour demain matin, eh bien comptez entre 16 et 20 degrés. Un été coloré, un été tonique. C'est le 16-19 France Bleu Armorique avec Fabien Lecourt. Belle soirée sur France Bleu Armorique. On a terminé ici en direct et en beauté jusqu'à 19h. Au sommaire, retour sur la fête du lac à Guerlédan. La fête du lac se prépare après trois étés d'absence. Alors cette année 2023 sera-t-elle la bonne pour le retour de cette fête? C'est les bénévoles de ces 19 associations qui organisent eh bien ce rendez-vous et ils espèrent que ça va fonctionner carrément. On aura l'occasion d'en parler dans 5 minutes. Comment et où séjourner en Bretagne? Découvrez Belle-Île-en-Mer face à Quiberon et ses quatre communes avec un gîte de France en Bretagne. C'est le gîte L'Écluse que je vous invite à découvrir ce soir avec sa propriétaire dans 20 minutes. Mais tout de suite, c'est le retour de la musique avec le groupe allemand formé en 1991 sur France Bleu Armorique. Bienvenue! I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can just a yellow lemon tree. Full Garden à l'instant sur France Bleu Armorique. C'est le 16-19 France Bleu Armorique avec Fabien Lecourt. Coup de projecteur sur la fête du lac à Kerlédans, fest-noz, exposition de véhicules anciens, balades en canoë, brocante et feu d'artifice. Un sacré rendez-vous le 15 août pour cette grande journée d'animation. Monique est avec nous, coprésidente de la fête. Bonjour Monique. Bonjour. Alors c'est reparti pour un tour. Est-ce que l'on peut dire que cette année 2023 sera la bonne pour justement le retour de la fête ? C'est ce que nous espérons tous en tant qu'organisateurs de la manifestation, mais aussi les 200 bénévoles que nous mobilisons, qui sont fédérés par 19 associations, parce que cela fait 3 ans que la manifestation n'a pas pu être organisée, dans la mesure où pendant 2 ans, en raison du Covid, nous ne pouvions pas mettre en œuvre d'animation de cette nature-là. Et puis l'année dernière, malheureusement, c'est la sécheresse et les risques d'incendie qui nous ont amenés à annuler à quelques jours de la manifestation ce rendez-vous que tout le monde apprécie. En tout cas, c'est ce qui nous est remporté par les différents publics qui participent à la manifestation. Parce que, comme vous le venez de le dire, les animations sont très diverses, à la fois sportive, culturelle, musicale, de façon à ce qu'il y en ait pour tous les goûts, tout au long de cette grande journée qui a lieu le 15 août. Alors c'est vrai que cette manifestation, ce rendez-vous, cette fête au lac de Kerlédans a été annulée à 3 reprises. C'est-à-dire que là, on le sait, ça va démarrer le 15 août. Mais comment on se sent aujourd'hui, là, maintenant ? Alors, d'une part, à la fois beaucoup d'énergie collective, de façon à être dans les préparatifs, puisque une grande journée d'animation comme celle-là nous mobilise pendant plusieurs mois de préparation, mais c'est surtout à quelques jours de la manifestation que nous refaisons le point sur l'ensemble des activités, mais aussi tous les aspects logistiques et organisationnels qui sont requis à chaque fois qu'on organise une manifestation qui accueille à peu près en tout, sur toute la journée, entre 5 000 et 6 000 personnes. Mais heureusement, c'est un grand site et le public n'est pas forcément à 6 000 personnes de façon conjointe, puisque certains préfèrent la brocante, d'autres vont faire des randonnées. Ceux qui aiment les activités nautiques avec sensation, par exemple sur les bouées tractées, ils sont sur un espace haut. Et puis la partie musicale se déroule le soir à partir de 20h. Pour se terminer à 1h du matin à la fin du fest-noz, après avoir eu un feu d'artifice aquatique. Une fête au bord du plus grand lac aussi de Bretagne, Kerlédans en Côte d'Armor. C'est le plus grand lac du centre-Bretagne, mais de Bretagne, puisqu'il y a 400 hectares. Alors bien sûr, avec la fête, on n'utilise pas les 400 hectares. On est sur l'anse de l'Androinec, un espace qui est approprié pour l'organisation d'une manifestation, dans la mesure où on a un accès facile à l'eau qui n'est pas dangereux, et puis il y a tout un espace enherbé qui descend en pente douce et qui est aménagé pour y passer des bons moments. Un sacré rendez-vous le 15 août pour cette grande animation, on le rappelle, avec déjà le matin, le 15, une brocante. On peut le dire, et vous l'avez déjà dit, 200 bénévoles ici, issus de 19 associations organisatrices sur place. On espère effectivement que ça va fonctionner, et j'ai même envie de dire, ça va fonctionner. J'imagine qu'en tout cas, c'est un rendez-vous attendu, qui sera voilà une nouvelle fois... Bah finalement, nous apporter ce plaisir et cette envie de faire la fête avec vous pour justement la fête du lac à Kerlédans. Merci en tout cas Monique, merci beaucoup. Merci, puis on vous attend. Cet été, France Bleu vous emmène à la découverte des histoires et des légendes du Mont-Saint-Michel. La mère Poulard est un personnage très sympathique, dont le destin mériterait honnêtement qu'on lui consacre une série sur Netflix. Y avait-il un trésor dans l'abbaye, une forêt autour du mont, des prisonniers célèbres ? Jusqu'à 800 prisonniers. Non, c'est vraiment une horrible prison. Guide conférencier, enseignant, religieux, spécialiste du patrimoine et de l'abbaye, il dévoile les secrets de l'archange. À écouter sur France Bleu Armorique du lundi au vendredi à 8h25 et 17h20. Ah, programmateur chez France Bleu la nuit, very good trip. France Bleu Collector,

avec cet appartement. Bon, c'est la vue, bien entendu, parce qu'on est au deuxième étage, donc on surplombe. Et oui, surtout, c'est vraiment un vrai avantage de pas avoir besoin de voiture. Tout est sur place, on a beaucoup de commerce, le marché tous les matins. Vous avez oui, vraiment beaucoup de commerce de déco, de vêtements, de qualité, vraiment. Alors, voilà. Je suis rentré à l'intérieur de cet appartement et je vous vois, c'est vrai, dans le salon. Mais là, moi, je monte, je suis en haut et je vois justement ces fenêtres. Belles fenêtres d'ailleurs, je vous le dis. Et de vos fenêtres, qu'est-ce que l'on peut voir ? Alors, donc, des deux fenêtres du salon, là, comme je vous disais, la citadelle et le port. Ensuite, donc dans la cuisine, c'est plutôt face à la citadelle et la maison des éclusiers. On a donc 10 fenêtres. Après, on a une petite salle de bain avec une vue sur la maison des éclusiers, le couloir. Donc, vous avez un hall d'entrée, en fait, avec un couloir. Donc, ça s'arrête jamais, finalement, alors ? Pardon ? Ça s'arrête jamais, finalement. On a toujours cette vue qui est toujours là, un peu partout dans l'appartement. Oui, complètement. Et ensuite, on a donc une chambre avec qui situe dans l'angle de l'immeuble. Donc, il y a deux fenêtres également avec la vue, par contre, aussi sur la rue derrière. Il y a une petite rue animée et une petite place pleine de charme. Alors, à Belle-Île-en-Mer, franchement, ça vaut le coup. C'est sympa, en plus. Qu'on soit breton ou vacancier, ça marche toujours. Hein, ça cartonne là-bas. Mais moi, ce qui m'intéresse également, c'est de savoir l'accueil que vous avez envie de nous réserver. Comment ça se passe, la rencontre sur place avec vous ? Donc, la rencontre, donc c'est donc Madame Le Gall, une personne, une Belle-Illoise, en fait, qui vous accueille sur place. Donc les locataires donc arrivent et elle leur ouvre les portes, leur montre le fonctionnement du matériel et puis elle se tient à leur disposition pour le moindre problème. Voilà, on peut faire appel à elle. Alors petite question comme ça entre nous, pourquoi faudrait réserver chez vous et pas ailleurs ? Bon, je pense que la déco est vraiment très cosy. On a tout rénové nous-mêmes. En fait, on a investi assez jeune dans cet appartement, qu'on a eu un vrai coup de cœur pour Belle-Île. Et donc, on a tout rénové nous-mêmes en voulant vraiment garder le charme de l'ancien. Donc, toutes les moulures au plafond, vous avez des cheminées anciennes dans chaque pièce. Mon père est menuisier, donc il a fait des meubles qui sont complètement adaptés à vraiment à l'appartement, au style de l'appartement. Donc, je pense qu'on a vraiment, on retrouve les charmes de l'ancien. Car c'est quand même un immeuble qui a été construit par le bras droit de Gustave Eiffel, en fait. Donc, c'est pas rien, ça. Quand même oui, voilà, c'est pas rien. C'est un lieu un peu chargé d'histoire. Le gîte, l'écluse. Un bel appartement comme ça, à Belle-Île-en-Mer. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Je vous en prie, Fabien. Merci beaucoup. In this house where I grew up. Birds fly upon my skin. a place I can call my own. That's where I go till the night is gone. I travel my mind and into my heart. Nobody knows when I go that far. Accueil avec Homeless à l'instant sur France Bleu Armorique. La suite avec l'agenda des sorties. Et dès ce soir, un beau spectacle nommé Nature Humaine. C'est un voyage initiatique et poétique vers l'homme de demain. Cela nous rappelle que, au-delà de protéger la nature, il est nécessaire de l'aimer. Le spectacle Nature Humaine, c'est dès ce soir entre 19h à 20h au théâtre Équestre de Bretagne à la chapelle Cagasseline, tout simplement. Voilà, sur place, vous pouvez directement réserver vos billets et partager ce petit moment comme ça. Allez, la suite en musique également avec Plantec. Et puis tout à l'heure, on se retrouvera pour un petit mot sur la circulation et la météo. Plantech à l'instant sur France Bleu Armorique. Ne bougez pas, dans quelques instants, on parle météo et info pratique avec la circulation en Bretagne. D-I-S-C-O. Radio Disco. France Bleu, faites le disco tout au long de votre été. France Bleu devient Radio Disco. Radio Disco, France Bleu Armorique rallume la boule à facettes du lundi au vendredi à 16h50. En écoute et podcast sur l'appli Radio France et ici par France Bleu et France 3. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Armorique, ici, on parle d'ici. Faux trafic, dès maintenant, eh bien, sachez qu'à Saint-Pierre-de-Quiberon, aux alentours de la départementale 768, il y a du monde du côté de Quiberon. On retrouve pas forcément beaucoup de monde ce soir, en tout cas sur Vannes, sur la nationale 168, ça reste calme ce soir. Pareil pour Rennes, en Ille-et-Vilaine, pas de grands bouchons, ni de grands ralentissements, et tant mieux, ça fait du bien aussi. Hein. Du côté de Saint-Malo, finalement, c'est plutôt correct ce soir. On retrouve, c'est vrai, un petit peu de monde quand même sur la départementale 168, sur Dinard, oui, un peu de monde quand même vers là, et puis du côté de Saint-Brieuc, ça reste plutôt sage. Oui, ils sont mignons à Saint-Brieuc. Ils roulent bien à Saint-Brieuc. À 18h32, ce que je peux vous dire aussi, c'est que pour la météo, le soleil remporte le match aujourd'hui. Il remporte également la partie demain, avec encore de belles éclaircies. Un tout petit peu de nuages en Ille-et-Vilaine ce soir, qui risque d'apporter un léger orage dans la nuit. Mais dès demain matin, on oublie tout ça et on passe à une nouvelle histoire avec de belles températures, des températures plutôt douces. On aura par exemple demain matin, au réveil, entre 16 et 20 degrés en Bretagne. Un été coloré, un été tonique. C'est le 16-19 France Bleu Armorique. La Bretagne est belle, la Bretagne est grande. Alors dans un instant, découvrez 17 parcours acrobatiques. Oui, gigantesques, avec un parc Acrobranche de Rennes. C'est dans 10 minutes. Au sommaire également, découvrez l'histoire dingue d'une statue dont le gouvernement de Vichy a tenté de faire disparaître. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est un Français qui a finalement sauvé cette statue. Ça sera à découvrir vers 18h50. Car tout de suite, voici les mots de la météo. Les chaleurs de l'été sont souvent accompagnées d'orages. Et vous êtes sûrement probablement posé cette question. Quel est ce phénomène? Eh bien, Chloé nous en parle. Chloé, dès maintenant sur France Bleu Armorique. Oui, c'est vrai que l'été, chaleur et orage cohabitent. Et ce lien qui existe entre les deux s'explique. Il n'y a pas d'orage sans cumulonimbus, ce nuage géant qui s'élève depuis quasiment le sol jusqu'à parfois 15 km d'altitude. L'été, l'air au sol est très chaud et plutôt humide, alors qu'en altitude, il fait froid, voire très froid et sec. Quand ces deux ambiances se rencontrent, ça ne se passe pas très bien. Cela crée des courants d'air verticaux qui forment d'énormes nuages, notre fameux cumulonimbus. Et dans cet énorme nuage, il y a beaucoup d'agitation. Le vent circule vite, il agite les gouttelettes d'eau et les cristaux de glace dans tous les sens, ce qui crée de l'électricité statique. Les phénomènes sonores, le tonnerre et optique, les éclairs de cette activité électrique constituent la foudre. Météo France peut prévoir quasi systématiquement l'arrivée des orages. En revanche, c'est compliqué de connaître à l'avance leur intensité et surtout le lieu où va tomber la foudre. Avec le réchauffement climatique, les orages ne sont pas forcément plus fréquents. En revanche, ils sont devenus plus violents, accompagnés de pluies de plus en plus intenses. Les mots de la météo. Chloé Nabédian. Rares sont les territoires épargnés par la force des orages. Les inondations sont le plus souvent d'ampleur. Et la campagne n'est pas plus épargnée que la ville. Le Royaume-Uni a probablement trouvé une solution et c'est de la composition de ces tourbières qu'elle lui vient. En effet, le Royaume vient de comprendre que les tourbières, qui représentent quand même 10% de son territoire, possèdent une énorme capacité d'absorption des eaux d'orage grâce aux sphaignes qui les composent. Alors, dans les années 2010, le pays s'est lancé dans un vaste programme de reconstitution de ces tourbières qu'il avait longtemps délaissées, voire détériorées au profit d'une agriculture extensive. Et les résultats sont bluffants. Depuis une petite dizaine d'années, le Royaume-Uni constate un net retardement des ruissellements dans les zones concernées lors des pics de crues d'orage. Par ailleurs, les tourbières se révèlent de véritables stations d'épuration naturelle puisqu'elles débarrassent l'eau de ses différents polluants, nitrates et sédiments lors de son passage dans ses fibres pour la restituer dans une qualité qui permet sa construction. consommation par les populations. Dernier intérêt des tourbes, et non des moindres, ces écosystèmes saturés d'eau sont capables d'absorber et de stocker deux fois plus de CO2 généré par l'homme que ne le font les forêts mondiales. Les mots de la météo à retrouver sur francebleu.fr. La suite dans quelques instants avec le parc d'Acrobranche ici du côté de Rennes. Mais pour l'heure, voici la SketchUp, le retour de la musique sur France Bleu à 18h36. En voiture à la maison et au travail, bienvenue. Belle fin de journée. La SketchUp à l'instant, quasiment 18h40 sur France Bleu Armorique. Voici un reportage, le reportage ici. Et on est à Rennes pour les reportages avec Francis Letocard qui est avec nous. Il a déniché en ville des coins de verdure super sympas. On découvre ces lieux de loisirs. La forêt Adrénaline, c'est la zone d'Acrobranche qui est dédiée pour les sensations. On prend de la hauteur, c'est le cas de le dire. Je ne sais pas à combien de mètres. Je vais demander ça à Marie Le Tailleur, qui est la gérante du parc, situé juste à côté du camping et du garden. Tout est regroupé à peu près au même endroit. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, répondez-moi à cette question, s'il vous plaît. À combien de mètres on monte en haut des arbres ? On monte à maximum 17 mètres de haut pour les parcours noirs les plus difficiles. C'est-à-dire pour les adultes, puisqu'évidemment, il y a ce qu'il faut pour les enfants. Pourquoi venir faire de l'acrobranche ? Déjà parce qu'on a un cadre qui est quand même assez exceptionnel, à quelques minutes du centre-ville. Et puis parce qu'on peut se dépasser, découvrir de nouvelles sensations pour les plus petits comme pour les plus grands. Est-ce que ça a un avantage d'être à côté de Rennes pour installer ce genre de parc ? Ah oui, tout à fait. On a un accès qui est très facilité par les transports en commun, maintenant par le métro depuis quelques mois. On peut venir à vélo, on peut même venir à pied depuis le centre-ville. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde, même sans voiture. Qui vient dans ce parc ? Alors généralement, on est très connu des Rennais, donc des locaux, et puis des gens qui viennent chaque année, plusieurs fois par année, pour refaire et refaire encore les parcours. Est-ce qu'il y a une clientèle aussi, je dirais, étrangère à Rennes ? Alors nous, on a quelques familles d'étrangers, oui, qui viennent pendant l'été, qui séjournent au camping et qui viennent chez nous pour faire du sport. Parce qu'il est juste en face, hein, je crois. Tout à fait, on a le camping qui est juste en face et on a un partenariat avec les clients du camping. Ici, vous avez quoi comme jeu ? Ici, on a environ 200-250 ateliers, donc des tyroliennes, des slackline, un base jump, donc c'est un saut dans le vide, un saut de Tarzan. Un base jump ? Ouais, on est à 13 mètres de haut et... Attendez, c'est un saut à l'élastique ou c'est autre chose ? Ah non, il n'y a pas d'élastique, on est accroché par son baudrier et par la ligne de vie continue et puis on saute de la plateforme. Mais on a atterri sur quoi ? Par terre. Mais vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont le vertige en venant ici ? Bah justement, c'est l'occasion de dépasser ce vertige. Quel est le conseil que vous donneriez à des gens qui ont le vertige ? Ça n'est pas mon cas, mais je pense à eux. Eh bien, c'est déjà d'oser venir et puis de commencer par les parcours les plus simples, à 1 mètre, à 2 mètres de haut, puis si on a envie, on continue plus haut, plus haut. Ouais, mais sinon, pendant la séance, qu'est-ce que vous leur dites pour les mettre en confiance ? Eh bien, que de toute façon, on est en ligne de vie continue, donc tout le monde est accroché tout le temps, impossible de se décrocher, et puis après, il faut avoir du courage. Bon. Merci beaucoup, Marie Le Taillard, de nous avoir présenté votre parc Acrobranche, dont vous êtes la gérante. Je rappelle, c'est la forêt Adrénaline à Rennes, sur le site des Gaïoles. On est ouvert tous les jours pendant tout l'été. À bientôt. À bientôt et merci. Vous pouvez réécouter ce magazine en intégralité grâce au podcast sur francebleu.fr. francebleu.fr, c'est noté. Merci Francis Letocard. Il est 18h43. Dans quelques instants, on aura l'occasion aussi de retrouver la suite avec encore des bons plans, mais aussi des histoires incroyables. Lavande Grimbert sera avec nous dans la France toute une histoire pour nous parler d'une statue. Une statue qui a été finalement volée. Elle a été un peu oubliée finalement. Le gouvernement de Vichy a tenté de faire disparaître pendant la Seconde Guerre mondiale cette statue. Et ce sont des Français qui a finalement sauvé l'histoire. À découvrir dans quelques instants, juste après Angèle, plus de sens. Comme la météo en novembre, comme une étincelle dans une pompe à essence, comme un acouphène en silence, rien n'a plus de sens. Qui rend indécent, comme la fin du monde qui attend, rien n'a plus de sens. Fini d'attendre. Angèle avec plus de sens sur France Bleu Armorique. Bonjour, c'est Nathalie Elal. Toute cette semaine sur votre France Bleu, je vous raconte les assiettes de l'histoire. Comment est né le roquefort? D'où vient le cresson? Qui a inventé la biscotte, la pizza, le burger et le tartare alors? France Bleu Armorique passe à la table de l'histoire du lundi au vendredi à 10h15 et le week-end à 10h30. À réécouter sur francebleu.fr et en podcast sur l'appli Radio France. France Bleu craque pour Hervé. Hier encore, je voulais changer de peau. J'entends plus mes cris, j'entends plus que leur écho. Pourtant, j'ai souri sur la photo. Tout ira mieux demain. Tout ira mieux demain. Tout ira mieux demain. Tout ira mieux demain. Hervé, tout ira mieux demain. En ce moment, dans votre playlist 100% France Bleu. Le 16-19 France Bleu Armorique, pour passer un bel été en Bretagne. Et dans un instant, on va découvrir cette histoire que Lavande Grimbert nous racontera. Une statue dont vous allez nous parler. Le gouvernement de Vichy a tenté de la faire disparaître pendant la Seconde Guerre mondiale. On en parle juste après les Beatles sur France Bleu Armorique. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone and I'm not so self-assured. Now I find, I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Done before. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. À l'instant avec les Beatles sur France Bleu Armorique. Voici la France, toute une histoire, avec une histoire de dingue aujourd'hui. Lavande Grimbert est de retour dans la France, toute une histoire, et aujourd'hui c'est des péripéties de dingue, avec une statue dont vous allez nous parler, dont le gouvernement de Vichy a tenté de faire disparaître pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui a été sauvée grâce au courage de résistants français. Oui, c'est ça, l'histoire d'une initiative de la mairie de Toulouse au 19e siècle qui va vous paraître, à la lumière de ce que nous vivons au 21e siècle, bien banale, mais qui a suscité un véritable tollé à l'époque. Une femme vue de profil, une femme qui n'a pas toujours eu le même visage, mais a toujours eu et continue d'avoir le même prénom, figure sur votre carte d'électeur. Cette femme s'appelle Marianne. Elle symbolise la République. Elle peut avoir 1000 visages, mais doit, pour être Marianne, porter le bonnet phrygien, symbole de la liberté. Bon, alors comme vient de le dire de manière très claire le monsieur, Marianne peut avoir 1000 visages, mais pas n'importe lesquels, vous allez voir. Dans les années 1880, la Marianne, emblème de la liberté, est devenue un symbole fort de la République. En cette fin du XIXe siècle, de nombreux bustes de femmes coiffées d'un bonnet phrygien ont alors été sculptés pour orner les mairies. Et en l'absence de buste officiel de la République, le choix du modèle féminin était laissé aux maires, ce qui explique la grande diversité des visages de la Marianne. Pourtant, celles-ci ont toutes été représentées sous les traits d'une femme blanche. Toutes, sauf une. Car il existe en France un buste de Marianne bien différent des autres et qui a connu de nombreuses péripéties. Celui d'une Marianne noire. Ce buste a été sculpté bien avant la mode des Mariannes de mairie, 30 ans plus tôt, en 1848. En cette année marquée par l'abolition de l'esclavage en France, ce buste de femme aux traits africains a été commandé par les francs-maçons de la ville de Toulouse, connus pour être de fervents abolitionnistes. Représentée sous l'apparence d'une esclave affranchie, coiffée d'un bonnet phrygien, elle est ornée d'une multitude de symboles. L'hexagramme maçonnique, l'étoile de David, le temple de Salomon ou encore une pyramide maya. Un buste unique en son genre et très novateur pour l'époque. Pendant près d'un siècle, cette Marianne noire a été conservée à l'abri du temple maçonnique de la rue de l'Orient à Toulouse. Mais en 1940, le temple est mis à sac par des collaborateurs du régime de Vichy. La Marianne noire est jetée à terre, mutilée et dérobée. Mais des résistants francs-maçons parviennent à la retrouver et à la mettre en lieu sûr jusqu'à la libération. Après des décennies d'oubli, les francs-maçons toulousains en font don en 1971 au musée départemental de la Résistance et de la Déportation de Toulouse, où elle trône désormais fièrement. Lavande Grimbert, j'adore cette histoire. Merci beaucoup à Lavande, qu'on peut retrouver aussi sur francebleu.fr. La France, toute une histoire, également en direct chaque jour ici sur notre antenne. Il est 18h53, 19h, on aura l'occasion de s'informer avec toute l'actu. Mais pour l'heure, retour de la musique, rien que pour le plaisir. In the pub where I was born, he played it from the night down to the peaceful early morn. He served the souls of psychos and the men who had the horn, and they all looked very happy in the morning. But Jimmy didn't like his place in this world of ours, where the elephant man brought storm in his decks and he had too many pairs. So he sat to see the grieving of the people that I'm leaving, and he took the road for God knows in the morning. We walked him to the station in the rain. We kissed him as we put him on the train, and we sang him a song. Our time's long gone. Oh, we knew that we'd be seeing him again. Sad to say, I must be on my way. So buy me beer and whiskey, 'cause I'm going far away. I'd like to think I'll be returning when I can to the greatest little boozer and to Sally McLennan. The years went by, and spies and shines, I grew to be a man. I learned to love the virtues of Sid Sally McLennan. I took the cheers and drank the beers and crawled back home at dawn. I ended up a barman in the morning. I played the pump and took the hump and wore the whiskey down, and took the booze and horses to the men and drank the brown. I heard the story that Jimmy's making money far away, and some people left for heaven without warning. We walked him to the station in the rain. We kissed him as we put him on the train, and we sang them a song. Our time's long gone. See them again. Sad to say, I must be on my way. So buy me beer and whiskey, 'cause I'm going far away. I'd like to think I'll be returning when I can to the greatest little boozer and to Sally McLennan. When Jimmy came back home, he was surprised that they were gone. He asked me all the details of the train that they went on. Some people may have scared the clock, but Jimmy drank until he choked. Took the road for heaven in the morning. We walked him to the station in the rain, and we kissed him as we put him on the train, and we sang him a song. Our time's long gone, though we knew that we'd be seeing him again. Sad to say, I must be on my way. So buy me beer and whiskey, 'cause I'm going far away. I'd like to think I'll be returning when I can to the greatest little boozer and to Sally McLennan. Bienvenue sur France Bleu Armorique. Merci en tout cas d'être avec nous pour partager cette dernière heure, puisqu'à 19h, on aura l'occasion de retrouver toute l'actu de ce 9 août. Et puis, on aura aussi l'occasion de se retrouver dès demain en direct jusqu'à 16h. De 16h à 19h, c'est notre dernière petite semaine ensemble. Moi, en tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Je salue bien sûr tous celles et ceux qui nous écoutent dans le Morbihan pendant le festival interceltique. Un sacré rendez-vous. Ça dure encore jusqu'à dimanche. Eh ouais. C'est ce qui est sympa aussi à la radio, c'est qu'on peut découvrir des artistes qu'on adore, mais aussi retrouver celles et ceux qu'on a adorés. Comme par exemple Bonnet M avec Sonny à l'instant à 18h56 avant de retrouver le journal. Bienvenue, merci de nous avoir choisis. En voiture, à la maison et au travail, nous sommes là, en direct.